Les découvertes musicales de Fadjet. Découverte de la musique de J.B. Bullet à travers le titre « Le palmier en hiver ». L'artiste s'interroge ici sur la place que l'on occupe et celle qu'on pourrait occuper, invitant au voyage à travers un texte entièrement basé sur le chant lexical du végétal. Voici J.B. Bullet à travers le titre « Le palmier en hiver ». Planté sur l'esplanade quand les rues sont désertes, planqué sous les grenades, je commence à renaître. Je voudrais me tailler, voir l'horizon qui danse et goûter au péché des fruits de l'expérience. Coupé de mes racines, je me raccroche aux branches. Mon destin se dessine, je prendrai ma revanche. Oui, je prendrai le large, emporté par les vents. Je n'aurai plus la charge de veiller l'océan. De veiller l'océan. Sous le charme de mes chaînes, je m'oxyde d'oxygène. Éternel solitaire, moi le palmier en hiver. Sous le charme de mes chaînes, je m'oxyde d'oxygène. Éternel solitaire, moi le palmier en hiver. Moi le palmier en hiver. Sur l'esplanade, face aux plages désertes, enivrante tornade, je tremble de tout mon être. Le temps a trop pressé, je pars tenter ma chance, arrêtant de repousser ma date de délivrance. Délivrance. Sous le charme de mes chaînes, je m'oxyde d'oxygène. Éternel solitaire, moi le palmier en hiver. Sous le charme de mes chaînes, je m'oxyde d'oxygène. Éternel solitaire, moi le palmier en hiver. Moi le palmier en hiver. Moi le palmier en hiver. Sous le charme de mes chaînes, moi le palmier en hiver. Sous le charme de mes chaînes, moi le palmier en hiver. Sous le charme de mes chaînes, je m'oxyde d'oxygène. Éternel solitaire, moi le palmier en hiver. Sous le charme de mes chaînes, je m'oxyde d'oxygène. Éternel solitaire, moi le palmier en hiver. Moi le palmier en hiver. Le palmier en hiver.